Chapitre 26. Le Panacea, frégate médicale républicaine de classe sauvetage. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, maître, déclara Buriaga. Nous faisions simplement notre travail. Il parlait en Chiriouk, et pour autant qu'il le sache, la seule personne à un parsec à la ronde capable de le comprendre était son maître, le chevalier Jedi Nibasek, à ses côtés. Toutefois, il ne tenait pas à ce qu'on pense qu'il se plaignait ou qu'il ne voulait pas être là. C'était une célébration solennelle, raison pour laquelle tous deux avaient revêtu leur tenue du temple. Pour lui, c'était une simple tunique doublée sans manches avec une ceinture azur, mais Nib portait l'attirail complet blanc et doré, ses longs cheveux gris attachés en un chignon. Sa paire de bottes et son manche de sabre laser étaient lustrés au point de capter la lumière. « Ce n'est pas pour nous, Padawan, » répondit Nib. « Nous sommes là pour permettre à ces gens de tourner la page, de retrouver un peu de paix. Ils voulaient nous rencontrer. » Allez, viens, ce ne sera pas si horrible que ça. Les deux Jedi se tenaient près de l'entrée d'une pièce dotée d'un haut plafond type cathédrale. Gigantesque, la salle occupait la majeure partie de la section centrale du Panacea, un immense vaisseau d'assistance médicale, l'une des premières grandes œuvres de la chancelière So. Dans les années qui avaient suivi son achèvement, l'appareil avait été envoyé vers toutes sortes de zones de combat, de sites de catastrophes ou de régions affectées par des épidémies, preuve concrète du dévouement de la République pour ses citoyens, surtout les plus faibles. Plus récemment, So avait envoyé le vaisseau dans le système Hetzal pour y récupérer et soigner les survivants de la catastrophe du Legacy Run. L'énorme compartiment central du Panacea, qu'on appelait la passerelle panoramique, était un dôme en transparacier. Dans des circonstances normales, le dôme permettait de voir tout ce qui se passait à l'extérieur du vaisseau. Mais par égard pour la plupart des occupants de la pièce, un choix différent avait été fait. En lieu et place du vide sidéral, les circuits intégrés du dôme avaient opacifié le revêtement et projetaient de subtiles tonalités vertes et bleues à sa surface, tandis qu'une lumière jaune plus chaude se déversait depuis le sommet. Des sons doux et calmes étaient diffusés au loin. Le murmure d'un cours d'eau, le bruissement du vent dans les feuilles. Les psychologues de l'équipe médicale avaient subtilement recréé les couleurs, les bruits et les sensations d'une planète semblable à celle sur laquelle les colons du Legacy Run pensaient installer leur nouveau foyer. Du moins, si leur transport n'avait pas été détruit dans un tourbillon d'effroi et de flammes, les projetant hors de l'hyperespace au cœur d'un désastre toujours en cours. Buriaga suivait de près les émergences. Comme il avait été présent au début de la catastrophe et joué un rôle relativement central dans sa résolution, il se sentait lié de façon étroite à la situation. Il avait envie de rester impliqué et d'apporter toute l'aide possible jusqu'à ce que cette lente tragédie soit définitivement terminée. Entre autres choses, il lisait les rapports quotidiens établis par le bureau de la chancelière sur l'évolution de la crise. Récemment, il se focalisait sur la montée des tensions suscitées par le blocus hyperspatial dont le périmètre ne cessait de s'étendre. Mais les rapports traitaient également les émergences. Relevé actuel, 21, dont une qui avait récemment causé la destruction d'une station orbitale de chargement au-dessus de Dantooine. Or, cette dernière coordonnait l'envoi d'une gigantesque cargaison de matériel de secours à destination des systèmes les plus éprouvés de la bordure extérieure. Nibasek rejoignit le centre de la passerelle panoramique où une trentaine de personnes étaient rassemblées et échangeaient à voix basse. L'équipage du Panacea leur avait servi des rafraîchissements et la plupart des gens tenaient un verre à la main. C'était un peu comme une fête, sauf que ça n'en était pas une. Il s'agissait des premiers survivants du Legacy Run à avoir été secourus. Ceux-là même dont la peur avait été détectée par Buriaga, alors que Nib, Tehami, Mikkel Soutmani et lui étaient sur le point de détruire leur compartiment. Les rescapés s'étaient rassemblés ici pour rencontrer les Jedi et les agents de la République qui leur avaient sauvé la vie. L'objectif visé était à la fois de mettre un point final à ce qu'ils avaient vécu et d'exprimer leur gratitude en personne. Mais la démarche mettait Buriaga mal à l'aise. On ne remerciait pas un Jedi de se comporter en Jedi. Joss et Pika Adren, le couple marié qui pilotait le Longbeam, ne semblaient pas souffrir des mêmes scrupules. Ils paraissaient parfaitement à l'aise et échangeaient déjà avec certains passagers du Legacy Run. Buryaga n'avait pas de problème avec ça, bien sûr. Ils avaient fait partie prenante de l'équipe des secours et il était content qu'il soit là, ne serait-ce que pour le soulager partiellement de ce fardeau social. Le Wookiee sonda les survivants du Legacy Run. À travers la force, il pouvait sentir l'étrange tension qui habitait ces gens. Un curieux mélange de regret, de honte, d'exultation et de soulagement. La culpabilité du survivant, supposa-t-il. Nib salua chaleureusement un jeune couple, les embrassant l'une après l'autre. Alors qu'elle libérait la seconde femme de son étreinte, elle remua les doigts en direction de Buryaga. Un signal qui, dans leur langage secret maître-apprenti, signifiait « Allez, plonge dans la bataille ». Avec un soupir, Buryaga fit un pas en avant et repositionna sa ceinture, réconforté par le poids de son sabre laser dans l'étui fixé à sa taille. La poignée lustrée brillait autant que celle de Nib, même si la sienne avait été fabriquée avec de la résine provenant d'un Uroshir blanc de Kashyyyk, la planète d'origine des Wookiee, et arborait une large garde en électrum. Bien sûr, il ne s'attendait pas à avoir besoin de son arme en ce lieu, mais l'idée de plonger dans la bataille lui semblait particulièrement appropriée. Son maître savait à quel point il détestait les rassemblements de ce genre. Aucune de ces personnes n'était capable de le comprendre. Parfois, c'était un avantage, car souvent les gens partaient du principe qu'un individu qui ne parlait pas n'écoutait pas non plus. Cela s'avérait utile quand il s'efforçait de recueillir des informations. Mais ce n'était pas vraiment un champ de bataille et il ne se trouvait pas en territoire ennemi. C'était juste une sorte d'événement social un peu bizarre, et il estimait avoir peu de chances d'apprendre grand-chose ici, et ce, quel que soit le nombre de conversations qu'il surprendrait. Ceci dit, il savait qu'Avar Kriss avait demandé à Nib de se renseigner avec tact sur les différentes expériences faites par les survivants du Legacy Run, au cas où des détails importants concernant la catastrophe émergeraient. Maître Kriss et son partenaire Elzarman cherchaient des indices sur ce qui s'était passé. Elle pensait que certains rescapés avaient peut-être des souvenirs refoulés qui pourraient leur revenir une fois l'événement original un peu éloigné dans le temps et l'espace. Mais rechercher ces informations était le travail de son maître, pas le sien. Il ne se voyait pas demander aux gens de lui raconter leur histoire étant donné les circonstances. Aucun d'eux ne comprendrait un seul mot de sa part. Peut-être que si le Panacea avait un droïde interprète à bord. Mais non. Juste quelques droïdes thérapeutes avec leurs yeux perpétuellement écarquillés et leur façon sereine de se déplacer, et des droïdes pilules flottant ça et là. C'était un vaisseau médical, après tout. Buryaga s'avança vers trois personnes discutant à mi-voix. Un couple mimbanais et une humaine. Ils semblaient lessivés, diminués. Même la peau écarlate et les immenses yeux bleus sans pupilles des mimbanais semblaient plus pâles que d'habitude. C'était compréhensible. Ils avaient tous passé ce qui avait dû leur sembler une éternité à dégringoler à travers l'espace dans ce compartiment à marchandises, avec l'angoisse permanente de mourir d'un instant à l'autre. Buryaga leva une main en guise de salut. « Bonjour, » dit-il en Chiriwook, ce qui lui valut, comme il s'y attendait, l'habituelle salve de regards interdits. « Maître Jedi, » répondit le Mimbanais en basique. « C'est un honneur de vous rencontrer. Nous vous sommes tous si reconnaissants pour ce que vous avez fait. »« C'est bien normal, monsieur, » répondit Buryaga. « Il est inutile de nous remercier, toute vie est précieuse, et nous sommes tous la République. » D'autres regards interdits, il réprima un soupir. « Hé, Bury !» entendit-il une voix l'interpeller avant de lever les yeux. C'était Joss Adren et sa femme Pika. Tous deux avaient une boisson à la main et semblaient particulièrement détendus. Ils ne savaient pas comment ils faisaient. Peut-être que la boisson y était pour beaucoup. Les deux pilotes s'approchèrent du petit groupe. « Vous ne le savez peut-être pas, les gars, » poursuivit Joss. « Mais Buryaga, ici présent, est la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. »« Chérie, peut-être qu'il y a une meilleure façon de formuler ça, » intervint Pika. Elle n'était pas petite pour une humaine, mais à côté de son mari, c'est l'impression qu'elle donnait. Joss Adren ressemblait à un tronc d'arbre avec une tête par-dessus. « Mais c'est vrai !» se défendit Joss. « On s'apprêtait à vous atomiser, les gars. Enfin, je veux dire, on ne savait pas que vous étiez à bord. On pensait qu'il s'agissait juste d'un autre fragment et on voulait être sûr que vous ne percutiez rien. C'est alors que Buryaga est intervenu sur la com et s'est mis à rugir comme un ouragan. Il avait senti votre présence là-dedans et nous a empêchés de tirer juste à temps. » Un grand sourire lui fendit le visage. « Mais c'était tout juste. Je veux dire, vraiment tout juste. Une seconde de plus et... » Pika lui frappa le bras violemment. « Aïe !»« Viens, mon chéri, » dit-elle en l'entraînant plus loin. Les trois survivants fixaient Buryaga. Il avait chaud et ressentait le besoin d'ouvrir la bouche pour halter un petit coup, mais savait que certaines personnes pouvaient assimiler ça à un geste de menace. En même temps, c'était un Wookie. Bien sûr que ses dents étaient pointues, et puis... « Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ?» demanda la mime banaise. « C'était vraiment aussi juste ?» Il hocha la tête, et l'expression de leur visage se fit pensive. Buryaga se sentait très embarrassé. Il le traitait comme s'il était une sorte de... Il décida de saisir cette opportunité pour battre en retraite et se dirigea vers la table des rafraîchissements. Il était affamé, ce qui lui arrivait assez souvent. Sa fourrure était claire, majoritairement dorée, avec des mèches acajou ici et là. Il était encore en pleine croissance, aussi mangeait-il à chaque fois qu'il en avait l'opportunité. Les tables dressées pour l'événement étaient couvertes de denrées, les droïdes du Panacea y avaient veillé, mais un rapide coup d'œil l'informa que tout n'était que fromage, pain, fruits, crudités, préparations à tartiner, sauce et douceur. Pas un seul morceau de viande. Les Wookiees pouvaient manger presque de tout, mais à cet instant, Buryaga sentait qu'il avait besoin d'un apport nutritionnel un peu plus riche que celui procuré par les carotines et les fruits à pépins. Mais après tout, la nourriture restait de la nourriture. Piochant dans ce qui était proposé, il se remplit une assiette et commença à picorer. Et puis, avec un peu de chance, s'il gardait la bouche pleine, peut-être que personne ne viendrait entamer la conversation avec lui. Croquant à pleines dents dans un fruit vert vif qu'il n'avait jamais goûté auparavant, et plutôt savoureux d'ailleurs, Buryaga laissa ses yeux errer à travers la pièce. Il embrassa du regard l'étrange réception qui avait lieu au milieu d'une sorte de prairie virtuelle flottant au cœur de l'espace et s'attarda sur plusieurs personnes regroupées en petites grappes. Nibasek, conversant de façon animée avec une famille, Joss en plein récit avec d'autres rescapés, tout souriant, Pika tenant la main d'une femme particulièrement attentive à ce qu'elle lui confiait. Buryaga eut une pensée pour les deux autres Jedi qui avaient participé au sauvetage, les maîtres Teami et Soutmani. Comment s'était-il débrouillé pour échapper à cette corvée? L'esprit dépité, il fourra le trognon de fruits, pépins compris, dans sa bouche, le broya en quelques claquements de dents et avala le tout. Se retournant vers les plats de nourriture, il envisageait désormais d'essayer l'un des fromages lorsque quelqu'un attira son attention. Là-bas, sur le côté, contemplant les tourbillons bleus et verts du dôme, un tout jeune humain aux cheveux roux se tenait à l'extrême limite du sol blanc sans parler à personne. L'un des droïdes thérapeutes se tenait non loin, son visage rond et joyeux se colorant tour à tour de différents tons pastels, agréables et chaleureux tandis qu'il s'adressait à l'enfant. Buryaga n'était pas toujours très doué pour estimer l'âge d'individus d'autres espèces, mais le garçon lui semblait avoir une dizaine d'années, voire un petit peu plus. Il ne répondait pas au droïde thérapeute, malgré tous les efforts de l'obligeante petite machine. Il se contentait de contempler le dôme, l'esprit occupé par des pensées connues de lui seul. Buryaga posa son assiette et avança dans cette direction tout en se projetant dans la force. Il perçut chez le garçon une immense tristesse, mêlée de culpabilité. Il se sentait coupable de quelque chose de monstrueux, de colossal. Un sentiment qu'aucune personne de son âge n'aurait de raison d'éprouver. Il s'approcha de l'enfant. Ses yeux étaient vides comme deux gouffres insondables au milieu de son visage. « Je m'appelle Buriaga, » dit-il en indiquant sa poitrine, même s'il savait que le garçon ne pouvait pas le comprendre. « Quel est ton prénom ?» ajouta-t-il en pointant un doigt vers l'enfant. Ses gestes étaient universels, leur symbolique évidente, et le garçon sourit tristement. « Serge. Serge Ukarian. » Buriaga montra les autres survivants une expression interrogative sur le visage. Serge scruta la foule d'un long regard triste. Il paraissait chercher quelque chose qu'il savait ne plus être là. Quelqu'un, plutôt. Il secoua la tête. Buriaga tendit les bras et attira doucement l'enfant contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi personne ne l'avait fait avant lui. Quand quelqu'un souffrait, on devait faire ce qu'on pouvait pour lui apporter du réconfort. Quand quelqu'un était perdu, on devait l'aider à retrouver son chemin. Puisant dans la force, il fit ce qu'il put pour apaiser le pauvre Serge. Il ne pouvait pas effacer ses sentiments négatifs, mais il pouvait retirer un peu de poids, rendre le fardeau de l'enfant un peu moins lourd à porter. Serge resta raide comme un piquet, puis commença doucement à se détendre, comme s'il laissait tomber une partie de ce qu'il portait sur ses épaules. Buriaga le sentit se mettre à trembler entre ses bras et se rendit compte qu'il pleurait. « C'est moi qui l'ai fait !» dit Serge, sa voix étouffée contre la poitrine de Buriaga. « Tout est de ma faute. J'ai craqué les systèmes de la passerelle parce que la capitaine Cassette se croyait tellement intelligente. Je voulais lui montrer qu'elle était loin de tout savoir. J'allais diffuser une holovide sur les écrans de la passerelle, mais juste après être entré, j'ai vu... Et après, le vaisseau s'est disloqué et j'étais dans le compartiment 8, mais papa et maman se trouvaient dans le 12. Et ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Et je crois que... Je crois... » Il s'effondra en sanglots. Buriaga le garda serré contre lui un temps qui lui sembla durer une éternité. L'enfant n'avait pas tout à fait fini de dire ce qu'il avait sur le cœur, cependant. Et Buriaga l'écouta parler jusqu'au bout. Finalement, lorsque Serge fut à court de mots, il le relâcha et recula d'un pas. « Toi, » dit-il en tapotant gentiment le front du garçon, « tu n'as rien fait de mal. » Il joignit l'extrémité de ses doigts, puis les éloigna lentement comme pour mimer une explosion. Buriaga secoua la tête et sourit à Serge. « Tu n'as rien fait de mal, » répéta-t-il. Le garçon, sans aucun doute, ne parlait pas le chiriouk, mais cela, il pouvait le comprendre. Et il le comprit. Buriaga emmena Serge jusqu'à Nibasek qui était en train de discuter avec un autre groupe de rescapés. « Il faut que vous entendiez ça, maître. » Elle le dévisagea avec curiosité. « Voici Serge Ukarian, » poursuivit Buriaga en tapotant l'épaule de l'enfant qui, de fait, était brusquement devenu très nerveux. Ce qui n'avait rien d'étonnant, se retrouver au centre de l'attention de Jedi pouvait être intimidant. « Il craint d'avoir perdu sa famille dans la catastrophe. » et nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. » Nibasek hocha la tête. « Bien sûr, tout ce que nous pouvons. » Le ton de sa voix était respectueux, mais trahissait également une note de curiosité. Son maître ne comprenait pas pourquoi il avait amené cet enfant jusqu'à elle. Après tout, presque tout le monde ici avait vécu quelque chose de déchirant. Serge a accédé au système du Legacy Run juste avant l'accident. Il voulait faire une farce, rien de bien méchant, et il devait pour ça accéder aux écrans de la passerelle. C'est à ce moment-là qu'il a entreaperçu la chose, quelle qu'elle soit, qu'ils ont failli percuter et qui a provoqué la dislocation du vaisseau. « C'est fascinant !» répondit Nib en évitant de regarder Serge de peur de l'effrayer. Elle pouvait sentir son état d'esprit, tout comme Buriaga. Enfin, peut-être pas aussi bien que le Wookie, les émotions étant son point fort dans la force. Mais la tension et le trouble qui habitaient le garçon brillaient comme un arbre en feu au cœur de la nuit. Un simple novice le jour de son arrivée au temple aurait été capable de percevoir la détresse de Serge. Après quelques instants de réflexion, elle se tourna vers l'enfant et posa un genou à terre pour se mettre au même niveau que lui. « Buriaga m'a dit que tu étais très courageux. » Serge ne répondit pas. Il m'a aussi dit que tu avais vu quelque chose quand tu as craqué les systèmes du Legacy Run juste avant le début de la catastrophe. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme aux émergences et empêcher qu'une chose pareille se reproduise un jour. Je sais que ça doit être un souvenir douloureux, Mais peux-tu me dire ce que tu as vu, Serge? Peux-tu me le décrire? Serge posa les yeux sur la Jedi, son regard à nouveau vide et distant. « Des éclairs, » dit-il. « Ça ressemblait à trois éclairs.